Valérie Levé au microphone de Futur Simple sur CKRL 89.1 et nous allons à la rencontre du frère Marie-Victorin. On connaît le botaniste qu'il a été, il a notamment été l'auteur de la flore laurentienne, il est aussi le fondateur du Jardin botanique de Montréal, mais voilà que l'apparition des lettres biologiques, une correspondance qu'il a eue avec Marcel Gouvreau, nous montre une autre facette du frère Marie-Victorin. Alors ces lettres révèlent un religieux avide de comprendre la physiologie de la sexualité. Alors, ces lettres ont été publiées aux éditions du Boréal en février dernier, où elles sont présentées par Yves Gingras. Il est professeur au département d'histoire de l'Université du Québec à Montréal. Et j'ai le plaisir de l'accueillir au studio. Merci, M. Gingras, de nous présenter ces lettres. Ça fait plaisir. Alors, M. Gingras, vous êtes vous-même historien et sociologue des sciences. Vous avez d'ailleurs écrit plusieurs livres sur l'histoire des sciences, sur la relation aussi entre la science et la religion. Et vous êtes déjà intéressé à Marie-Victorin avec la publication de sciences, culture et nations. Et avec les lettres biologiques, vous nous emmenez dans un monde où la religion et la sexualité se côtoient de manière un peu inattendue tout de même. Alors j'aimerais d'ailleurs, pour commencer, avant d'entrer dans le contenu de ces lettres, parlez-nous un peu de l'histoire de ces lettres. En fait, est-ce qu'elles étaient connues des communautés chrétiennes, des botaniques ou des scientifiques en général, depuis le décès de Marie-Victorin jusqu'à nos jours? Qu'étaient ces lettres? Comment on les a découvertes et pourquoi est-ce qu'on ne les publie que maintenant? OK. D'abord, la connaissance de la correspondance de Marie-Victorin avec Marcel Gouvreau est connue du public depuis 1990, lorsque le journaliste Luc Chartrand a fait un article dans l'actualité sous le titre « Les amours secrètes de Marie-Victorin ». Comme journaliste, Luc Chartrand, à l'époque, avait eu accès à une source. Vous savez, c'est intéressant, les historiens ont des sources, mais les sources des historiens, c'est des documents. Les sources des journalistes, bien, c'est des individus qui lui donnent des enveloppes brunes et qui lui donnent de l'information. Et donc, Luc a eu accès à un certain nombre d'extraits de cette correspondance-là, qui, jusque-là, était, bien sûr, totalement inconnu, du moins moi, j'avais entendu parler de ça avant que Luc m'en parle. Bien sûr, je connaissais Luc Chartrand parce qu'on avait fait ensemble, d'ailleurs, en 1987 avec Raymond Duchesne, Histoire des sciences au Québec, qu'on a publié en 87 et on a fait une deuxième édition en 2008. Donc, Luc fait ce texte-là. Mais à l'époque, on est en 90, les lettres ont été déposées dans le fonds Marcel Gouvreau, qui est à l'UQAM. Okay. Et le fonds Marcel Gouvreau avait été déposé à l'UQAM en 1970. Marcel Gouvreau décède en décembre 1968 et elle avait été en charge d'une école pour l'éveil aux sciences, qui s'appelait d'ailleurs l'éveil, qui était une genre, on pourrait dire aujourd'hui, de pré-maternelle pour initier à la science entre 4 et 10 ans, en gros. Et donc, comme le fonds l'archive était à l'UQAM, la succession de la famille Gouvreau, qui avait ces lettres-là de Marie-Victorin et de Marcel Gouvreau, que j'appelle, selon le terme même de Marie-Victorin, les lettres biologiques, ont été ajoutées au fond de l'archive. Mais avec une clause, on n'a pas accès au contrat, parce que le contrat de cession est confidentiel, mais on sait que dans le contrat, il y avait une clause disant probablement quelque chose de ne pas les rendre accessibles avant, disons, 20 ans. Donc, en gros, 90-2015. Et l'UQAM, c'est-à-dire le service des archives de l'UQAM, a décidé, je ne sais pas exactement quand, mais disons vers 2014, parce que moi, je pense que j'ai commencé à les regarder en 2015. Donc, vers 2014-2015, ils ont annoncé à la succession, et ils ont annoncé aussi aux frères des écoles chrétiennes qu'ils rendraient les lettres accessibles dans le fonds d'archives. Donc là, il y a une chose qui est très importante à distinguer, c'est que des lettres accessibles dans un fonds d'archives, on peut aller les lire, mais la publication de lettres, ça relève des droits d'auteur, ce qui est autre chose. Ah oui. C'est deux choses différentes. Donc, dans le cas de Marie-Victorin, comme il est décédé en juillet 1944, la loi des droits d'auteur fait que, ça fait plus que 70 ans, en gros, il y a toujours des clauses compliquées, mais gardons ça simple, en gros, des lettres non publiées, après, en gros, 70 ans, sont dans le domaine public. C'est ce qui me permet, donc, de publier les lettres de Marie-Victorin. Marcel Gouvreau étant décédé en 68, ça va aller dans une dizaine d'années, probablement, si on fait le calcul de toutes sortes de contraintes, et donc, ils ne sont pas accessibles, et ça demanderait aujourd'hui l'accord de la succession, qui, pour l'instant, ne veut pas rendre publiques les lettres. Mais les lettres sont accessibles, on peut aller les lire dans nos fonds d'archives. Mais ces lettres-là sont très intéressantes, ne contiennent rigoureusement rien de scabreux. Au contraire, nous montre une Marcel Gauvreau rationnelle qui répond aux demandes de Marie-Victorin, qui lui dit de s'analyser elle-même. Et donc, ça montre au contraire, elle, de par son accès à ses amis et de par son histoire dans les couvents, ça nous donne le point de vue de qu'est-ce que c'est le niveau d'ignorance sexuelle des jeunes filles de 13 ans dans les couvents qui ont leurs premières règles et qui se demandent qu'est-ce qui se passe. Et qui, à la messe ce dimanche, tombent sans connaissance. Et là, les jeunes entre elles disent, bien, va voir Denise, elle a eu sauf le 2 ans, elle va t'aider. Donc, les sœurs ne le donnaient pas la culture. Et Marie-Victorin, dans ça, dénonce cette ignorance et donc encourage la connaissance de la réalité naturelle. Donc, il a une vision biologique de la sexualité et il considère que la science est importante pour connaître son corps parce que le corps, c'est pas mal, la sexualité, c'est pas mal. Dieu a fait l'homme et la femme avec un sexe, donc ça fait partie de la nature. Il a une vision très biologique de la sexualité. Donc là, on a une bonne idée de d'où viennent ces lettres et du travail qui doit être fait. Mais justement, en tant qu'historien, vous avez eu accès à toutes ces lettres-là, vous avez choisi donc d'en publier certaines. Est-ce que vous avez eu un travail d'historien à faire? Est-ce que vous avez peut-être fait une sélection également? Vous n'avez peut-être pas toutes publiées. Donc, est-ce qu'il y a eu un travail sur la date ou pour remettre certains, peut-être pour les décrypter? Peut-être c'était des lettres manuscrites? C'est une combinaison. D'abord, en ce qui concerne l'édition, il y a d'un côté la correspondance générale entre Marcel Gauvreau et Marie-Victorin, qui est beaucoup plus large, parce qu'il faut rappeler peut-être rapidement que Marcel Gauvreau entre dans l'environnement de Marie-Victorin en 1930 à la suite d'un concours de botanique lancé par Le Devoir et Marie-Victorin. Et comme elle a gagné un concours dans une section spéciale parce qu'elle était plus âgée que les jeunes de 12-15 ans, ça lui donne une bourse pour étudier la botanique. Et donc, elle est à la faculté des sciences. Elle était à l'époque étudiante à la faculté de philosophie. Donc, elle abandonne ses études de philosophie pour aller faire des études de botanique. Donc, 1930, c'est le début, si on peut dire, de leur relation, parce que lui, il est son professeur de botanique. Il connaît bien son père depuis 1925, qui est Arthur Gauvreau, qui est un médecin, Joseph Gauvreau, c'est un moyen bon, qui est un médecin très impliqué socialement, qui est actif dans la Société Saint-Jean-Baptiste, qui est le secrétaire de l'Ordre de la Corporation des médecins du Québec. Donc, c'est un bonze de l'époque qui s'intéresse beaucoup à la botanique aussi, donc qui est en communication avec Marie-Victorin depuis 1925. Donc, lui, il la connaît. Et donc, là, il développe une relation. Elle continue ses études de botanique, va faire même sa maîtrise en 37-38, va aussi faire une formation en bibliothéconomie. Et donc, son poste, à partir de 1932, va être un poste de secrétaire de Marie-Victorin et aussi de bibliothécaire de l'Institut botanique. Et quand l'Institut botanique va déménager au jardin botanique en 1937-1939, ils vont être ensemble, donc, dans le jardin. Donc, en gros, depuis 1930, ils sont proches. Et elle commence à se confier à lui vers 1933. Et là, il s'aperçoit que c'est une fille qui est intelligente, qui lui fait confiance. Et il détecte assez rapidement, bien sûr, qu'elle est en amour avec lui. Marie-Victorin, pour elle, c'est son père à tous les niveaux, mais elle est en amour absolu. Lorsqu'il s'absente, elle s'ennuie, elle ne sait plus comment se tenir, elle a hâte qu'il revienne. Donc lui, il comprend ça, mais il dit, bon, on peut avoir une relation beaucoup plus spirituelle, on se comprend bien. Et une partie de leur affinité est aussi liée à leur trajectoire comparable. Les deux ont eu la tuberculose. Elle, en plus, par-dessus ça, elle a eu la polio, donc elle a une jambe qui est un peu plus courte que l'autre. Et donc, ça les rapproche beaucoup. C'est une femme qui est aussi très belle. Et elle se confie à lui. Et donc, il dit, OK, si vous voulez vous confier à moi, c'est très bien. Je peux vous donner des conseils et vous orienter dans votre vie. Et dès la première lettre que j'ai mise de 1934, la deuxième plutôt, il dit, votre voie est tracée. Je sais ce que vous devez faire. Vous n'êtes pas obligé de devenir une religieuse. Vous pouvez faire de l'apostolat laïque et avoir beaucoup d'enfants. Comment? En créant une école, l'éveil. Ah, donc, c'est lui qui trouve le nom, l'éveil. C'est lui, d'ailleurs, qui fait le discours inaugural à l'éveil. C'est Marie-Victorin qui écrit la phrase qui définit l'objectif de l'éveil. il est toujours très, très proche d'elle et lui conseille plein de choses. Il dit, bon, vous allez faire votre maîtrise, ensuite, vous allez faire votre doctorat. Finalement, elle ne fera pas le doctorat parce que Marie-Victorin meurt en 44. Mm-hmm. Et donc, ça, ça transforme, évidemment, sa vie de façon radicale. Ouais, ouais. Et donc, ils sont très proches. Donc, ils ont, d'un côté, donc, une correspondance d'environ 300 lettres. Mais si c'est une correspondance banal, je dirais, parce que lui part, mettons, à Vancouver, il lui dit, bon, ben, je suis dans le parc Stanley. Elle lui écrit en disant, bon, ben, ici, au jardin, ça va bien. Dansereau est en train de faire des récoltes en Gaspésie. Jacques Rousseau. Donc, voyez-vous, elle le tient au courant de ce qui se passe au jardin. Déroulement, c'est ça. Donc, ça, c'est pas très intéressant. Tandis que les lettres biologiques, c'est une correspondance parallèle à la première. La preuve, c'est que dans certaines lettres, il va lui dire, oui, à propos, je vous prépare une longue lettre. Donc, dans une lettre normale, il lui dit, en passant, je vous prépare une longue lettre, qui est un code pour dire, c'est notre échange parallèle sur la sexualité. Puis, il faut comprendre aussi que Marie-Victorin et Marcel Gauvreau ont travaillé ensemble à tous les jours au jardin botanique. Donc, il y avait comme, à mon avis, de façon consciente, créé la distance que les lettres biologiques, c'est autre chose. Okay. Donc, comme nous, on se parle, mais en parallèle, on s'écrit après qu'une réflexion à long terme, des lettres de 15 pages dactylographiées, là, ça se fait pas en deux jours. Ben, c'est ça peut prendre des fois probablement un mois à écrire. Ouais. Et ces lettres dactylographiées. Donc, la plupart sont dactylographiées, mais lorsqu'il écrit une longue lettre quand il est à Cuba ou il est en voyage, ce sont des lettres écrites à la main. Et là, bien sûr, il y a un travail de décryptage qui, dans certains cas, est assez difficile. Donc, j'ai fait lire certains mots à plusieurs de mes collègues pour essayer de déchiffrer. Mm-hmm. Là. Mais donc, après tout ce travail-là. Donc, le livre « Lettres biologiques », c'est l'ensemble complet, sans aucune censure, de toutes les lettres qui porte sur la sexualité, d'où le fait que j'ai mis comme sous-titre « Recherche sur la sexualité humaine ». C'est mon interprétation de l'esprit que Marie-Victorin veut donner à cet échange qui est parallèle à leur correspondance plutôt administrative, si on peut dire. Parce que aussi, ce qui est curieux, c'est que, bon, même quand Marie-Victorin était parfois en voyage, mais parfois, elle se côtoyait quand même à l'Institut, au Jardin botanique ou à l'Institut botanique. À tous les jours, bien sûr. Donc, ils devaient se parler. Oui, mais il y avait des choses qu'ils ne pouvaient peut-être pas se dire de vive voix ou qu'ils devaient s'écrire. Oui, parce que c'est des choses qui relève de la science, parce que dans ça, il faut voir que Marie-Victorin s'est construit rapidement, il le dit dans les lettres, une bibliothèque sur la sexualité humaine. Oui. Dans certains livres qu'il lit, par exemple, Le mariage parfait, qui est dans la version anglaise, on voit qu'il l'a lu, parce qu'il donne un extrait, donc j'ai retrouvé que c'est bien dans un extrait, disons, de la page 302 du livre. Il y a un gros livre qui s'appelle Woman, qui contient toutes les images de toutes les parties du corps avec des explications scientifiques détaillées. C'est les annexes 1 et 2 du livre. Et c'est intéressant parce qu'on voit dans ça l'humour de Marie-Victorin lorsqu'il décrit un graphique qui est dans le livre Woman, qui est un livre qui est paru en 1933, il y a une édition allemande. Et c'est un graphique qui vous donne en gros l'intensité de l'excitation sexuelle en fonction des journées de 1 jusqu'à donc du cycle menstruel. Il dit, regardez bien, le maximum de la pointe de l'excitation sexuelle est juste au moment de l'ovulation. Donc, il rajoute, vous voyez, le diable n'a rien à voir là-dedans. Donc, c'est une petite bonne blague pour dire, les femmes qui ont soudain et qui ne sont pas mariées, et même quand elles sont mariées, ont comme une attraction sexuelle, ça leur tente de faire l'amour, ils se sentent mal, c'est péché. T'as des mauvaises pensées, est-ce que c'est le diable? Marie-Victorin dit, c'est complètement absurde. Il dit, c'est biologique. Point barre. Donc, il dit, le diable n'a rien à voir là-dedans. Il dit, à deux places, d'ailleurs. Okay? Une autre chose aussi qui montre son humour, il dit, bon, ça fait sept années qu'on échange sur les questions de la sexualité. Il dit, ma chère amie, vous êtes maintenant prête à écrire un grand traité du clitoris. Donc, quand vous voyez, qui ont ensemble une relation où il y a de l'humour. Oui. Okay? Mais c'est très technique. Il va même jusqu'à donner l'équation chimique de l'odeur dit fémina. Hein, c'est un pléimon, il dit dans ça, il y a un peu de lavande. Oui, oui. Donc, il s'intéresse à toutes les sécrétions du corps. C'est très technique comme langage. Mais donc, oui, c'est ça, c'est pas une relation, c'est pas une correspondance amoureuse. On comprend qu'en 1990, Luc a appelé son article dans l'actualité « Les amours secrètes ». Donc, il faut séparer les choses. Ils sont en amour, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais la correspondance, ce n'est pas une relation amoureuse. C'est une correspondance technique de dire, bon, avez-vous observé votre cycle menstruel? Quel jour a commencé? Est-ce que votre sensibilité a changé? observez correctement votre changement d'humeur, expliquez-moi ça, décrivez-moi ça. Oui, donc, oui. Elle sert de cobaye. Il dit d'ailleurs, il dit, attention, vous n'êtes pas qu'un cobaye. Il dit, au contraire, vous êtes la grande expérience de ma c'est vie. C'est ça, exactement. Et l'échouer sera un échec total. Mm-hmm. Parce que lui, il a une vision de dire, et c'est à mon avis, le fondement de qui se résume en une phrase dans une des lettres, il dit, rien de ce qui est humain n'est interdit à la curiosité mm-hmm. scientifique. Donc, il va contre l'idéologie ambiance et la morale catholique ambiante. Oui, oui. Il y a même une lettre où il lui explique, il dit, avec ma connaissance de la biologie, je me suis construit une morale qui est trop avancée pour l'environnement et pour mon milieu, mais que vous pouvez comprendre. Et c'est pour ça que notre relation est totalement secrète et que personne ne peut connaître nos lettres. Et je vous fais entièrement confiance, malgré c'est que ça, le risque... il fallait qu'il y ait une confiance. Absolument. Ouais. Parce que, bien sûr, le risque pour Marie-Victorin, à l'époque, était beaucoup plus grand que pour Marcel Gauvreau. Mmh. C'est sûr que ça n'aurait pas été bien pour elle, mais le danger, ça aurait été... Mais il y avait une confiance totale et absolue au point tel de même de lui décrire ses rencontres avec les prostituées c'est à Cuba. Ce qui montre que ça n'a pas une confiance absolue. Oui, oui, oui. Parce que c'est quand même assez surprenant quand on lit ce livre, parce que finalement, il donne des explications très détaillées du fonctionnement des organes sexuels féminins. Et masculins. Et masculins. Mais c'est pour les organes féminins que ça surprend, parce que finalement, il explique à une femme son propre corps à elle. Oui, et ça, c'est très intéressant. Plus que les femmes ne le connaissent. Puisque nous, femmes, nous le connaissons nous-mêmes, ce propre corps. Donc, on se fait donner des explications par un religieux en tant que lectrice féminine sur notre propre corps. C'est assez surprenant quand même. Et ça montre une chose qu'on n'a peut-être pas assez compris chez Marie-Victorin, c'est que c'est quelqu'un qui a une culture absolument immense. Il a tout lu. Il a lu la physique, il a lu la littérature. Et là, ce qu'on découvre avec ça, c'est que sur la sexualité humaine, ce qu'il décrit là, sur la psychologie de la femme, c'est à base de ses lectures. Mais c'est pour ça qu'il dit en 34-35, ou dans ce coin-là, il dit, écoutez, il dit, la lecture, c'est une connaissance livresque. Avec vous, uniquement vous pouvez me dire qu'est-ce qu'il en est de la réalité. Ah, le problème, c'est qu'elle lui dit, oui, mais moi, je suis célibataire. Donc, j'ai pas de relation sexuelle. Mais on va s'en sortir parce qu'il y a une amie à elle qui s'appelle dans ça D. Mm-hmm. Et d'ailleurs, que eux, dans la plupart, dans presque dans toutes les lettres, ils marquent D. Mm-hmm. Okay? Et donc, D est mariée et elle est très intéressée par le sexe. Donc, elle fait beaucoup l'amour avec son mari. Donc, à travers ça, et elle lui décrit. Et donc, par exemple, le premier jour du mariage ou la première nuit, tant l'homme que la femme arrivaient là, on dit, ben, on fait quoi exactement? Là? Donc, le niveau d'ignorance était très élevé. Et effectivement, vous avez raison de dire que c'est un peu curieux que Marie-Victorin connaît mieux le corps de la femme que Marcel Gauvreau le connaissait au début, parce qu'on le voit dans les lettres qu'elle apprend à s'observer elle-même. Donc, la réflexivité qui est très développée chez Marie-Victorin, qui se demande toujours si ce qu'il fait est correct. Et c'est pour ça que dans mon introduction, je remonte à son journal qui s'appelle « Mon miroir », qui a été publié en 2005 et qui porte de 1904 à 1920, dans lequel il s'intéressait beaucoup à la sexualité aussi parce qu'il voyait des jeunes garçons de 10 à 15 ans qui auraient tout la sexualité. Et dans l'ambiance, on disait « Bon, si ils se masturbent, ils vont, comme on dit, avoir des boutons ou devenir fous. » Il dit « Mais c'est complètement ridicule. Mm-hmm. » Il dit « Avoir des éjaculations nocturnes, c'est pas une maladie. C'est tout à fait normal, c'est le surplus. Mm-hmm. » Il y a toujours cette vision biologique. Donc, il a éduqué les jeunes garçons à avoir une vision saine de la sexualité en disant qu'ils prenaient des risques que ses supérieurs n'accepteraient peut-être pas, mais bon, qu'ils pensaient que c'était la bonne voie, bien que à chaque temps en temps, ils disaient « Bon, est-ce que je ne suis pas en train de jouir, moi, de cette éducation que je fais aux jeunes? Est-ce que je ne vois pas au-delà de la ligne? » Oui. Puis il dit « Non, OK, donc je continue. » Et il fait la même chose lorsqu'il devient entouré de femmes après 1920, parce qu'il devient prof d'université, et grâce à Marcel Gauvreau, il y a une relation unique qui part tranquillement et qu'on voit au fil des lettres, plus leur relation se rapproche et plus l'amour devient intense des deux côtés. Mais Marie-Victorin insiste toujours sur l'importance d'un amour mystique. Mm-hmm. Parce qu'il dit, au fond, un religieux comme moi peut pas avoir de relation physique complète. Mm-hmm. Mais vers la fin, on sent qu'il se rapproche quand même sur le plan physique. Mm-hmm. Donc, c'est difficile pour lui de garder cette distance-là. Il en est conscient. Il en parle souvent de la chasteté, de sublimer, c'est le terme qu'il emploie, il a mis Freud, de sublimer leur intérêt physique, y compris chez elle, pour un intérêt supérieur qui est celui de la science, qui est celui de la société. Et pour elle, c'est l'éveil des jeunes, donc comme il disait, au lieu d'avoir un ou deux enfants pour le mariage, vous allez en avoir des dizaines. Est-ce que ça s'est transmis? Est-ce que toutes les relations qu'elle a eues avec Marie-Victorin, est-ce qu'elle a pu le transmettre un petit peu? Est-ce que ça a pu transparaître dans son enseignement avec les jeunes? Oui, parce que, par exemple, en 1944, elle fait un livre de vulgarisation qui s'appelle « Les plantes curieuses de mon pays », avec une préface, bien sûr, de Marie-Victorin. Donc, il l'encourageait à faire de la vulgarisation. Elle participe beaucoup aux émissions de radio qui s'appellent « La Cité des plantes » que Marie-Victorin a mis en place dans les années 30. Il lui dit « Vous allez faire des conférences à la Cité des plantes, à la radio. » Donc, il la conseille sur tous les plans, mais c'est des conseils très progressiste. Marie-Victorin, à l'époque, il faut rappeler que le vote des femmes a été obtenu juste en 1940, alors que lui appuyait le vote des femmes. Il considérait les femmes comme égales aux hommes aussi. Okay? Et donc, ça, c'est bien important. Donc, il a toujours encouragé. Et elle va faire encore, en 1957, un livre qui s'appelle « Les plantes vagabondes » qui va être traduit. Donc, il l'a amené vers la vulgarisation scientifique. Elle a terminé un mémoire de maîtrise sur les algues marines du Québec, qui est paru ensuite en 1956 dans la série de la collection des contributions de biologie de l'Institut de botanique. Et donc, oui, elle a une carrière un peu scientifique au début, mais ensuite consacrée à l'éducation, à la science. Et c'est dans la trajectoire de Marie-Victorin. Est-ce qu'il était assez tôt dans l'histoire pour modifier aussi, pour parler aussi d'éducation sexuelle à l'époque de Marcel Gauvreau, quand elle était enseignante, déjà? On n'a pas d'informations sur ça, mais j'en douterais beaucoup. Parce que elle, son école, qui est une école privée, au fond, c'est vraiment l'éducation à la nature. Okay. C'est l'éveil à la nature. Regardez, les plantes, c'est important. Il faut apprendre à observer. Mais je crois pas du tout, parce que ça aurait été mal perçu si les enfants dans ta maison disaient hey, « Maman, c'est drôle, la maîtresse nous a montré un pénis ce matin. » Ça aurait été assez peu probable. Ouais. Donc, cette relation était tellement secrète que personne, je pense, dans son entourage l'a jamais su. J'avais interviewé dans les années 90 la femme de Jacques Rousseau, qui était le proche collaborateur de Marie-Victorin, qui a connu aussi Marcel Gauvreau. Puis, quand c'est sorti en 90, l'article de Luc, je lui ai parlé, puis elle a dit que jamais de sa vie qu'elle avait la moitié. Elle n'aurait jamais imaginé. La seule personne qui a deviné leur relation et qui est intervenue, c'est la sœur de Marie-Victorin, Mère Marie des Anges, qui est en charge du collège classique des filles qu'elle a mis en place dans les années 20 à Sillery. Et elle lui suggère d'abord d'arrêter complètement cet échange-là, mais elle est estomaquée parce que c'est basé sur des rumeurs. Mais comme elle a une personnalité assez forte, Marcel Gauvreau, elle lui répond que « Mais qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? D'où viennent ces rumeurs-là? J'ai rien à me reprocher. J'ai un emploi. C'est normal. » Et je devine que Marie-Victorin est intervenue oralement auprès de sa sœur parce que après 37, on n'en parle plus. Et elle continue à aller à Québec voir la sœur de Marie-Victorin. Leur relation, ils ont une correspondance jusqu'à dans les années 50. Donc, je pense que Marie-Victorin lui explique, elle dit, la sphère de rumeur, notre relation, elle est saine, mêle-toi pas de ça. Il dit dans une des lettres, on va continuer notre collaboration, nos échanges biologiques, sans problème. Donc, on voit finalement, au fur et à mesure des lettres, comment Marie-Victorin apporte sa propre connaissance des organes sexuels, comment aussi il demande à Marcel Gauvreau de faire des expériences sur elle-même pour que lui-même puisse mieux comprendre, finalement, le fonctionnement des organes sexuels. Mais il raconte aussi les expériences faites avec les prostituées aussi. Oui, exactement. À Cuba. Et même, toujours avec un esprit scientifique. Toujours dans la description du comportement. Par exemple, en plus, Marie-Victorin, c'est un très bon écrivain. Hein? C'est un grand écrivain, Marie-Victorin. Il faut oublier qu'avant le Jardin botanique, en 1919 et 1920, il a publié deux études littéraires qui s'appellent « Les croquis laurentiens » et « Les récits laurentiens ». Et toute sa vie, il y a eu cette plume d'ethnographe, de quelqu'un qui sait peindre un environnement, un environnement humain aussi. Donc, il y a beaucoup d'autres croquis qui ne sont pas paru encore, sur lequel je travaille actuellement, par exemple, comme les croquis haïtiens, les croquis cubains, où là, il décrit des environnements, c'est très bon. Donc, comme il y a cette capacité de description, lorsqu'il rencontre une prostituée, il lui fait comprendre qu'au fond, ce qu'il veut faire avec elle, c'est non pas avoir une relation sexuelle, mais se servir du même temps que les autres prennent pour la mm-hmm. relation sexuelle, pour l'observer. Pour observer, c'est ça. Et observer ses comportements. Puis observer vraiment dans le détail. Oui, parce qu'il décrit, par exemple, comment chaque muscle du corps se raidit lorsqu'il titille le clitoris d'une femme. Et donc, il décrit ça en détail. Il dit là, ça prend du vocabulaire pour décrire ça. Mm-hmm. Dit, on voit les muscles des cuisses devenir raides, etc., mm-hmm. un tremblement. Mm-hmm. Il décrit ça en détail. Puis il dit, bon, des rougeurs autour des lèvres, etc. Mm-hmm. Donc, il décrit ça de façon, la même façon qu'on décrit, au fond, une plante. Oui. Et d'ailleurs, dans certaines lettres, comme il y a une culture linguistique aussi importante chez Marie-Victorin. Par exemple, dans les récits laurentiens, lorsqu'il va aux îles de la Madeleine, il décrit les mots utilisés. Donc, dans ça, il dit, voyez-vous, les noms des plantes, la vulvilla, etc. Mm-hmm. Il dit ça, c'est parce que telle plante a l'air d'une vulve. Il dit même certaines odeurs de lavande, de certaines plantes, rappellent les odeurs mm-hmm. de l'odeur mm-hmm. d'Iphémina. Voyez-vous, donc, il fait même une linguistique mm-hmm. de la botanique sexuel. Donc, mmh. c'est quelqu'un qui s'intéressait vraiment à tout, qu'une curiosité très, très grande et qui l'a appliqué à la sexualité humaine avant le fameux rapport Kingsey. Parce qu'il faut rappeler que dans les années 30, là, l'ignorance scientifique, c'est dans le monde entier. Mmh. Et donc, dans les années 30 et 40, il y a un savant américain, un professeur d'université, qui est expert des guêpes, donc qui avait appris lui aussi à décrire les comportements, qui s'aperçoit que ses étudiants et ses étudiantes sont complètement ignorantes et qui viennent le voir la veille du mariage en disant « Écoute, je me marie, mais je me demande quoi faire. » Donc, il lance une grande enquête sur la sexualité qui va paraître en 48 et 51, qui s'appelle aujourd'hui « Les rapports Kingsey sur la sexualité masculine et féminine. » Et il y a un film qui s'appelle « Le chemin de docteur Kinsey, parlons de sexe », qui est sorti mmh. en 2005 et qui est un peu l'analogue de ce que Marie-Victorin faisait à la même époque, mais de façon secrète, parce que lui, comme frère des écoles chrétiennes, on comprend qu'il ouais. lui était absolument interdit de parler publiquement de science. Mais il était progressiste, il avait suivi de près la méthode Augino-Knaus, mmh. qui émerge au début des années 30 et qui nous rappelle que c'est au début des années 30 qu'on commence à mieux comprendre le cycle menstruel des femmes. Et c'est là qu'on découvre qu'il y a quelques jours avant l'ovulation qui fait qu'on peut avoir des relations sexuelles sans danger. Mm-hmm. Et la méthode Augino-Knaus, qui s'appelle donc la méthode du calendrier, parce qu'on dit, OK, si c'est 28 jours puis on est régulière, il y a quelques jours, on peut faire l'amour sans avoir d'enfant. Ce qui posait des questions morales aux chrétiens. Alors que Marie-Victorin dit, allons plus loin, il y aura même un jour des hormones synthétiques et les théologiens devront s'adapter. C'est la phrase dans la lettre. Ah oui. Donc, on est dans les années 30. Il est très précurseur. Il comprend la science de son temps, la chimie de son temps, puis il dit, il y aura des hormones synthétiques, puis il dit, les théologiens devront s'adapter. Ouais. En voulant dire, c'est scandaleux les débats théologiques autour de la méthode Augino-Knaus. Parce que les curés disaient, est-ce que c'est moral de faire l'amour sans vouloir avoir d'enfant? Oui. Et lui, il dit, bien oui, il dit même de façon ironique, ça donne un peu de répit à la femme. Mm-hmm. Ce qui suggère que les femmes qui avaient des enfants chaque année, ils devaient trouver ça exagéré. Mm-hmm. Marie-Victorin, à mon avis, c'est quelqu'un qui voulait se situer un peu au milieu, de dire, la jouissance, c'est normal, uniquement jouir, c'est maladif, se marier sans vouloir avoir d'enfant du tout, c'est pas bon, mais jouir pour ne pas avoir d'enfant, c'est correct parce que c'est l'équilibre. Mmh, mmh. Donc, on apprend quand même à travers ces lettres à voir Marie-Victorin au-delà du botaniste qu'il est, donc quelqu'un d'érudit, parce qu'il faut quand même lire tout ce qu'il a lu pour connaître autant sur la sexualité. Et vous disiez qu'il avait aussi cette curiosité dans d'autres domaines scientifiques. Oui, et c'est pour cette raison que j'avais fait en 1996 le livre dont vous avez mentionné l'existence au début, « Science, culture et nation ». C'est un livre que j'avais fait qui regroupe tous les textes de combat de 1915 à 1944, et qui montre, lorsqu'on les lit, que ces textes-là, à l'époque, Marie-Victorin est le plus grand intellectuel du Québec de l'entre-deux-guerres. On a eu tendance à l'oublier. On a eu tendance à ne rappeler que le grand intellectuel de l'entre-deux-guerres était Lionel Groulx. C'est complètement faux. Si vous lisez « Science, culture et nation », la défense du Québec progressiste qui nous dit que le Québec va obtenir son indépendance économique par la science et que le Québec ne peut se développer que par la science et non pas en regardant le passé, en faisant référence à notre maître le passé, qui est la phrase et le livre de Lionel Groulx, lui dit, comme le disait Léonard de Vinci, il faut se méfier du passé. Donc, quand il écrit ça, c'est une référence implicite. Et toute la modernisation de l'enseignement universitaire, c'est l'équipe de Marie-Victorin. Donc, c'est un des grands intellectuels progressistes qui était un des rares qui avait le courage de dire au curé qu'il fallait qu'il change, sinon le christianisme allait disparaître. Il dit, on ne peut pas ériger un mur de Chine autour de la province de Québec. Mmh. C'est sa phrase en 1938. Mmh. Donc, c'est quelqu'un de très dynamique, très combatif, et donc un des plus grands intellectuels du Québec de l'entre-deux-guerres. Puis on voit aussi qu'il était quand même en avance sur son temps par rapport aux questions de mixité, par rapport à toutes ses réflexions sur le célibat des prêtres qui n'avait peut-être pas lieu d'être non plus. Exactement. Il dit d'ailleurs qu'un jour, l'Église devra accepter le mariage des prêtres parce que certains ne peuvent endurer la chasteté. Voilà. Il y en a qui peuvent, il y en a qui ne peuvent pas. Ils n'ont pas le choix. Et ça, dès 1929, il en discute sur le bateau avec un des grands anthropologue, l'abbé Breuil, qui est un des découvreurs des grottes et de l'Antiquité de l'homme. Ouais. Et dit, Breuil nous dit qu'au Mexique, on accepte que les prêtres aient des maîtresses pour tranquilliser les villages. Mm-hmm. Et lui dit, effectivement, l'Église devra s'adapter. Il dit même, et là c'est dans sa correspondance, il dit même à Marcel Gauvreau que la relation homme-femme sur le plan hormonal et biologique, c'est bon pour l'imagination, c'est bon pour la santé mentale. Et il dit que les femmes, que les sœurs cloîtrées, c'est le fait qu'elles soient cloîtrées qu'ils deviennent folles. Il dit la maladie mentale n'a pas d'autre cause. Oui. Puis il dit, vous, même si vous êtes célibataire, le fait que vous soyez entouré d'hommes au jardin botanique vous rend plus énergique, de meilleure humeur. Donc, voyez-vous, il y avait une vision très hormonale, très biologique de la vie, qui est un peu surprenante de nos jours. Puis c'était quelqu'un aussi qui semblait accepter les idées de l'évolution. Ah, complètement. Donc ça aussi, c'est quand même surprenant aussi de la part d'un religieux. Oui. Ah non, mais ça, c'est clair. Par exemple, dès le début des années 20, il écrit à sa sœur en disant, voyons, non, il n'y a aucun problème avec la théorie de l'évolution. Allez lire les articles de Théard de Chardin dans la revue Études, qui était la revue des Jésuites en 1921. Donc, il connaît les références, il mentionne. Et dans les lettres, j'ai annoté un peu les lettres. Et à un certain nombre d'endroits, lorsqu'il interprète la place de l'hymen dans le corps humain, lorsqu'on lit attentivement le paragraphe, on s'aperçoit que tout ce paragraphe-là présuppose l'évolution de l'homme. Parce qu'il dit, chez les mammifères, certains mammifères, il n'y a pas d'hymen, donc il fait une lignée évolutive. Voilà. Puis à la fin, il parle de l'homme. Ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour lui, l'homme est aussi le fruit de l'évolution. Ce qui est on est dans les années 30, c'est pas accepté. Et dans Sciences, Culture et Nations, il y a un très grand nombre de ses interventions où il dénonce ceux qui s'opposent à la théorie d'évolution, qui ne comprennent pas, qu'il n'y a aucune antinomie pour lui entre l'évolution et le christianisme. Donc, à travers ces lettres, on découvre quand même tout un personnage. Aussi, il faut les remettre dans le contexte des connaissances de l'époque. Maintenant, les scientifiques qui vont lire ces lettres, ou peut-être qu'ils les ont déjà lues avant qu'elles soient publiées parce qu'elles étaient accessibles aux archives, quel travail on peut en faire? Quel travail scientifique on peut faire à travers ces lettres? Bon, mon idée, c'est de dire, il faut rendre accessible parce que ça nous donne accès à un pan de l'histoire du Québec qui était inconnu. Parce qu'on a très, très peu de sources sur la sexualité féminine des années 30 et 40 et sur la réflexion des religieux sur la sexualité. On a un certain nombre de thèses des 10 dernières années fondées sur des entretiens de femmes assez âgés aujourd'hui, mais qui peuvent, eux, nous dire leur vécu des années 50. Mais sur les années 30, c'est la seule source d'analyse détaillée. Et le deuxièmement, c'est que ça nous donne une réflexion sur comment un religieux construit, rationalise la chasteté. Mm-hmm. On l'avait chez Théard de Chardin, qui a toute une correspondance avec Lucille Swann. Et là, on l'a avec Marie-Victorin, qui, dans sa correspondance avec une femme, nous dit ce qui se passe. Les psychologues, les psychanalystes pourront se servir de ça pour comprendre comment on construit cette chasteté, parce que l'homme n'est pas fait pour être chaste. Il faut bien le savoir, tous les psychanalystes le savent. Donc, ça nous donne des sources matériel. Et ensuite, sur le plan de la biographie, ça nous donne une image encore plus complète de Marie Victorin, avec, c'est un aspect méconnu de sa vie. Donc, sur le plan biographique, sur le plan sociologique, c'est l'ambiance de l'époque quand il dénonce l'ignorance autour de lui, et sur lui comme religieux. C'est pour ça que dans l'introduction, j'ai tenu compte de son journal pour voir vraiment l'évolution de sa pensée de 1904 à 1944. Donc, pendant 40 ans, et la force de Marie Victorin, qui est très rare à l'époque, c'est ce que j'appelle au fond la réflexivité. Il ne se contente pas de faire quelque chose. Quand il fait quelque chose, il se dit après, « Oui, mais c'est-tu correct, ça? » Il y a comme un sourmoi qui vient lui dire, « Oui, mais est-ce que je vois pas trop loin, là? » Puis il lui dit d'ailleurs, il dit, « Ma chère amie, si ce que je vous pose comme question vous dérange, vous me le dites. Mm-hmm. » Donc, vous me dites à chaque fois si je vois trop loin. Elle lui dit, « Non, non, il n'y a aucun problème, je vais répondre à vos questions. » Puis il dit, « Moi, je m'engage à répondre à vos questions. » Parce qu'elle ne sait même pas c'est quoi la longueur d'un pénis. C'est ça. OK? Donc, lui, il en fait toute une description. Il décrit très bien. Ouais. Il dit, « Bon, quand c'est bandé, ça va être telle longueur. » Puis il dit, « Bon, il dit, le mien est à peu près dans la bonne moyenne supérieure aussi. » Etc. Donc, Donc, finalement, mais ce travail-là de d'épluchage de ces lettres, il est à faire ou il est en cours? Ça, c'est l'ouverture vers ce travail à faire? Ben, ça dépend. Moi, je pense quand même dans les 30 pages d'introduction, j'interprète un peu l'évolution de ces lettres-là, le sens qu'elles ont. Mais bien sûr, si un psychanalyste les lit, il peut y voir autre chose. Ouais. Parce que bien sûr, la pensée simpliste va avoir toujours avoir tendance à dire que, bon, si un frère des écoles chrétiennes comme Marie Victorin s'intéresse au sexe, c'est une forme de voyeurisme. Hein, on peut toujours dire ça. Mais ça, c'est des explications complètement simplistes. Parce que l'essentiel qui est écrit là, il n'y a rien de scabreux. C'est de nommer les choses par leur nom, de comprendre la psychologie de la femme, de comprendre la physiologie du corps humain et comment ça fonctionne. Parce qu'il dit Dieu nous a créé qu'un corps. Et donc, c'est une vision saine de la nature, parce qu'il dit bien. Et il faut dire qu'il y a d'autres lettres qui sont pas. Quand il écrit à ses nièces qui s'en vont en Europe, il leur dit attention, vous avez été mal éduqués ici sur le plan sexuel. En Europe, vous allez voir des choses de femmes nues. Préparez-vous à ça, et sinon, vous allez être. Donc, il sait qu'on est arriéré sur le plan de l'éducation. Lui qui a fait le tour du monde. En tout cas, il faut quand même dire que c'est toute une découverte de ces lettres-là. C'est quand même une lecture assez stupéfiante. Alors, je vous remercie, M. Gingras, d'être venu au micro de Futur Simple pour nous les présenter, de nous avoir aussi aidé à en faire une lecture tout au cours de cette discussion. Donc, je rappelle que vous êtes professeur historien et sociologue des sciences au département d'histoire de l'Université du Québec à Montréal. Merci, M. Gingras. Ça m'a fait plaisir.